s'arrête, s'enlève. Puis la joie devient. La route s'allonge. Si je tombe, je ne veux pas. Parfaite quiétude. Le reste aux insensés. Je reste ignoré. Douceur du soir, la vie se dissimule, sans amertume. La joie, bouleverser mon cœur, à nouveau, et à jamais. juste la droiteur se refléter dans chacun de mes gestes. Puisse la pâleur encenser mon aura. Puisse le blasphème se pardonner. Puissais-je faire des cerfs plus subtils, toujours ma cheville. Puisse les obstacles disparaître sous la semelle de mes seins et mes sandales. Puisse le doute s'éloigner de ma cendre. L'agonie s'abandonner et disparaître. Puis tout se dissout.